Non, pas besoin de paleçon pour rue aujourd'hui. Pourquoi je suis pied... Parce que j'ai dû vendre mes pompes, voilà pourquoi je suis pieds nus. Ah, on est un ten? Générique! That's cool. Station, station, la station de la station. Bonsoir. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool diffusé en direct depuis les prestigieux studios de Crackroom. Sur station, station, la station, la station! Cathédrale sur plage à statue inachevée de la porte d'Aubervilliers, 75-018 Paris, jonction 18e, 19e. La station Gare des Mines regarde son pape avec un œil circonspect. Deuxième édition sans sponsor et je suis actuellement pieds nus dans ce merveilleux studio parce que j'ai dû vendre mes pompes. Raphaël a décidé de rester, je lui ai fabriqué un nid très agréable dans lequel il aime se rouler telle une jeune chatte dans un lit au drap propre. Enzo Bodo est sur son rond-point et aujourd'hui avec moi j'ai une invitée pas chère, une jeune DJ prometteuse, avec un nom qui appelle des blagues nulles et qui m'a fait danser sur du disco. Je vois elle un genre de Myriam Stamouli de la génération suivante, le genre qui a 20 ans et qui est là pour niquer des mères. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Élise Cravette est dans notre émission! Incroyable! Élise Cravette est actuellement accompagnée de son tuteur légal, qui s'appelle Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Et bonjour Élise. Bonjour. Alors, Élise est un peu timide, c'est pour ça qu'elle parle peu, mais elle va se détimidifier parce qu'on a avec nous de la Perrier Fine Bulle, et ça c'est bien, ce n'est pas un placement de produit pour une fois. Et bref, sans technique, pas de voix suave. Puzu Puzu a eu un souci sur le chemin, on espère qu'elle arrivera vivant et que sa pirogue n'a pas coulé pour le remplacer. Mais pour le remplacer, le retour du héros. Mesdames et messieurs, à la régie, le truculent Pasteur Charles! On va apprendre tout au long de cette heure et demie à connaître Élise Cravette. Qui est-elle? Quels sont ses réseaux? Pourquoi tout ce disco? Nous aurons également avec nous Enzo Bodo de retour pour son point information du rond-point de la Porte de Bavilliers, Raphaël et sa petite chronique, Charles et sa petite chronique, et divers rebondissements inattendus. Élise, on écoute un disque pour oui. Commencer cette émission? Cette émission qui a eu beaucoup de problèmes, mais avant tout de la joie. Tu choisis, on écoute quoi? On écoute un morceau qui s'appelle More Like Jesus. Jesus. Je l'ai choisi parce que c'est un morceau de gospel et comme j'étais invitée chez un pape, ouais. Dès que c'était de circonstance, c'est un merveilleux morceau qui traite de la passion du Christ. Il date de 1977 et ça a été composé par le révérend Yonsi, qui était aussi un chanteur de R&B. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Exactement. Et c'est parti. Thank you. Daddy Cool. Et Vati Cool de retour, épisode 17, en compagnie d'Élise Cravette. Rebonjour. Et c'était sexy, c'était bien. Ça m'a apaisé là d'un coup. Alors que la tension était palpable dans le studio dû à divers problèmes techniques. Tu veux peut-être nous en parler un peu plus de ce morceau ou non, c'est bon on... Un petit peu plus. Comme tu l'as dit, c'était très sexy et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce morceau. Parce que même si dans la religion catholique, il y a un gros tabou autour du sexe, je trouve que cette chanson qui rend hommage à la passion du Christ déborde de sexualité. Ah mais il y a un déborde complètement. Mais en fait, si tu veux, il y a aussi une différence vraiment entre la religion catholique en fait, du côté vraiment occidental de l'affaire, enfin vraiment blanc, et le côté gospel justement où c'est beaucoup plus sexy en fait. Je sais pas si t'as déjà assisté à une messe à Harlem. C'est incroyable. Non, je suis jamais allé. En gros, si tu veux, c'est pas genre le prêtre qui fait son sermon gentiment. Mais là, c'est vraiment genre il prend à partie la foule et c'est incroyable en fait parce qu'il y a une vraie ferveur là-dedans et c'était la première fois en fait que je voyais vraiment une ferveur religieuse et pas juste des mecs qui s'endorment à moitié en faisant ce truc-là en fait. Du coup, non, c'est très sexuel. Élise Cravette, qui es-tu? Quels sont tes réseaux? On commence déjà par les questions de ce type-là. Quels sont mes réseaux? Non, plus précisément, allez, qui es-tu? Tu es une jeune DJ? Qui es-tu? Je suis une jeune étudiante. Ah, étudiante, elle étudie. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie le droit. Tu étudies le droit? Pas très sexy. Mais si. Et voilà, je suis en phase de reconversion vers je ne sais pas trop quoi pour l'instant. Mais DJ, non, j'ai du mal à m'auto-proclamer DJ, mais je collectionne des disques, ça c'est sûr. Depuis quel âge tu collectionnes les disques? T'es pas très vieille, donc à mon avis, ça doit faire depuis, allez, je dirais t'es 13 ans, un truc comme ça. Physiquement, ouais. J'achète des disques physiquement, des CD depuis longtemps, ouais. Et des vinyles depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 6 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà. J'étais pas loin. Non, pour le coup, en fait, la première fois que j'ai rencontré Élise Cravette, du coup, c'était à 9B, le bar dans lequel je travaillais, dans lequel je ne travaille plus. Et jouer un set disco absolument incroyable, suffisamment incroyable en fait pour que je me mette à danser en faisant la gueule derrière le comptoir comme je fais quand j'aime bien un truc. Mais en fait je fais pas la gueule, je suis juste concentré sur le truc que je fais, donc forcément c'est un truc très bizarre où les jambes s'agitent mais par contre la tronche reste fixe. Et en fait son set était bien meilleur que les sets que j'ai eu après, du coup j'étais content et un peu déçu en même temps qu'elle parte aussitôt, mais voilà. Et avec moi j'ai Charles aussi. Bonjour Charles. Bonjour. Allô? Est-ce qu'on l'entend? On ne l'entend plus. On m'entend. Allô? On m'entend. Tiens, c'est... Ah, excellent. Tu es son tuteur légal donc, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un ami d'Élise. Du coup, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. Et à travers la musique, toujours. Une soirée assez sympa. Voilà. Élise, ça fait combien de temps que tu fais danser les gens? 3 ans. 3 ans? 3 ans. 3 belles années. Petites années. D'accord. Élise Cravette, DJ depuis 3 ans. Attends, excuse-moi parce que j'ai des fiches quand même, un peu. C'est une émission qui est un peu préparée. Tu joues du disco beaucoup? Je joue beaucoup de disco, ouais, c'est vrai. J'aimerais bien montrer mon éclectisme dans mes sets, mais au final, je finis toujours par jouer une majorité par repartir disco. Sur du disco. Bah, c'est compliqué. Enfin, c'est quoi? C'est une passion? T'as commencé à collectionner ça au début et c'est ton truc ou Je pense que ça constitue tout simplement ma base musicale. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a initié à la musique. Ouais. Donc j'ai écouté de façon très passive, il avait une énorme collection de CD, mais aussi un peu de vinyle, de jazz, de soul, beaucoup de funk et un peu de disco. Ouais. Donc ça j'ai écouté de façon passive pendant des années. Après quand j'étais ado, comme acte un peu subversif, j'ai commencé à écouter genre du punk, parce que je sais que c'était un des seuls trucs que mon père n'aimait pas du tout. Et du rock, beaucoup de rock, et puis après je suis revenue vers... Vers tes passions de départ, le disco. Voilà. Le groove. Qu'est-ce que je veux dire? À part ça, justement. Bah ouais, c'est bien. T'as une culture musicale. Assez pointue, d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai pu voir à 9B, et même d'après les morceaux que tu nous as passés. Avec Pasteur, du coup, on avait fait un peu la revue de ce que t'avais, de ce que tu nous as sélectionné. Et effectivement, il y a quasiment rien qu'on connaît, quoi. Là, je vois Welcome to the Disco de Air Power, qui est le titre en fait que je t'avais demandé quand on était au bar. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est grâce à ce morceau que tu m'as invité. Donc, voilà. Mais exceptionnel. Ça te dit qu'on écoute ? Ça me va très bien. Allez, on va écouter Welcome to the Disco par Air Power. C'est parti. We'll be right back. your face from someplace. Did you say you're from Frisco? All the way to Chicago? To the disco? Now I know you. Welcome to the disco. Thank you. station, station. La station de la station. Et Vaticool de retour, en plus en direct sur InstaMeuge. Parce que bon, on aime les technologies. Et je suis en compagnie de Élise Cravette. Rebonjour pour la. Épisode 17, sous le signe du disco, dans une chaleur moite et tropicale. Avec de la bossa en fond. C'était bien. C'était très chouette. C'était très chouette, je suis content. Alors, je vais couper le live maintenant parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps, on va pas se couper. Bisous Instagram, connectez-vous sur lastation.paris/station.station. Pardon, excusez-moi le live, le direct, tout ça, c'est merveilleux. Et tu fais partie de collectif, toi, ou pas, Élise? Oui, je fais partie d'un collectif. Comment il s'appelle, ce collectif? Il s'appelle Chine Hors des Origines. C'est un collectif un peu particulier, puisque pour ceux qui ne connaissent pas la chinerie, à la base, ce sont des groupes de social digging. C'est-à-dire des groupes de digging sur Facebook. Social digging. Alors, qu'est-ce que c'est le social digging, peut-être? C'est très start-up, c'est très Macron. C'est tout simplement des groupes Facebook d'échanges musicaux à thème. Donc à la base, il y en avait un, c'était Chineur de House. Après, il y a eu Chineur de Techno, Chineur de Rap. Et celui dont je fais partie, c'est Chineur des Origines, qui est un groupe qui se consacre à la base aux morceaux d'origine, c'est-à-dire les morceaux samplés. Et donc, on s'occupe de disco, de bossa, de jazz, mais aussi de synth-pop, enfin, tout ce qui est un peu musique organique, entre gros guillemets. Et donc donc on reste quand même dans du clap, mais du clap analogique. Exactement, du clap analogique. Alors attention, peut-être pour les auditeurs, on va faire un clap analogique. Incroyable. C'était deux claps analogiques. Double clap. Et donc Chineur des Origines. Voilà, et donc du coup c'est parti de groupe, et puis ça a évolué. C'est très compliqué, c'est une organisation... à plusieurs têtes dans plusieurs villes de France, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais disons que nous, les administrateurs de Chineur des Origines, nous sommes une joyeuse bande de... Non, une bande de joyeux lurons, plutôt. Des joyeux drilles, bien sûr, on adore ça chez Vaticool. Nous commençons à jouer ensemble, mais doucement, tranquillement, mais ça arrive. Voilà. Vous avez des dates de prévues prochainement ? On a une date de prévue, on a deux dates de prévues. Deux dates de prévues, mesdames et messieurs. Une à Lyon. Vendredi au Terminal avec le très bon DJ Master Phil. Et bien sûr, ce bon vieux Master Phil. Voilà. Tanguy, si tu nous écoutes. Et la prochaine que j'invite tous les auditeurs à venir nombreux. Et venez, vous êtes 4000 à nous écouter actuellement, donc bon, ce serait quand même pas mal de vous ramener en masse. Qui est le 17 juin au Bar Gallia à Pantin. On organise un open air avec 6 des meilleurs collectifs parisiens. Dont Mossoul, Maybe Tonight, Make It Deep, Chineur des Origines, Mercredi Records et Around the World. Ça va être très cool, ça va être très soleil. De quelle heure à quelle heure? Midi à minuit. Midi la journée, à minuit. Avec une brocante de disques, une naturopathe et des bières. Et évidemment, on viendra pour les bières. Attends, excuse-moi, je vais remettre un habillage sonore parce qu'on a les moyens de faire ça. Voilà. On reste très tropicaux aujourd'hui dans cette ambiance folle. Comme vous avez pu le voir sur le live, le studio était déchaîné. Peut-être que le public d'ailleurs pourrait se manifester. Attention public. Merci public, incroyable. Élise, est-ce que tu as vu des concerts récemment? Est-ce que j'ai vu des concerts? Ouais. Alors le dernier concert que j'ai vu, c'était au New Morning, c'était au début de cette année et c'était... Au début de cette année ? T'es pas une fille de concert toi, j'ai l'impression. Je ne suis pas une fille de concert. T'es une fille de club toi, non ? Un peu. Je suis une fille de canapé. Ah, une fille de canapé. Les meilleurs. C'est quoi une fille de canapé, Élise ? Plutôt casanière ? Plutôt casanière. Écoutez tes disques tranquillement sur ton système son... Je suis un peu agoraphobe, malheureusement. Oh, c'est con pour faire danser les foules, mais... C'est con. Mais d'un autre côté, tu as quand même une barrière entre toi et le public, donc finalement, c'est pas plus mal. J'espère que j'abaisse la barrière avec la musique. Et ça, c'est beau. Voilà. J'ai vu un c'était quoi le concert que t'as vu du coup? C'était le concert de Youssef Kamal, la reformation de Youssef Kamal. C'était pas mal. Youssef Kamal, c'est pas mal. Voilà. Hier, je suis allé voir un concert Olympique Café. C'était plutôt sympa aussi. Palma Rosa qui faisait sa Riz Patrick avec Magnum, qui sont passés en épisode 15 et qu'on salue. Et deux autres groupes, mais j'ai oublié les noms, je suis désolé. Mais dans la première partie que j'ai vue, il y avait déjà des guitaristes de Magnum, donc c'est aussi un peu Magnum. Et du coup, en fait, si je voulais parler de ça, c'est tout simplement parce que dans toute cette histoire, j'ai découvert un groupe que je ne connaissais pas, qui en était à son troisième concert, et qui était très bien, ça s'appelle Palma Rosa. Palma Rosa, ils sont trois, un batteur qui sait pas jouer, un peu comme le mien, du coup ça m'a fait plaisir. Un bassiste et une chanteuse. Ils sont très mignons et je te propose qu'on écoute un morceau d'eux qui s'appelle Patrick, qu'ils ont sorti en clip justement hier, a priori, dans Exceller Riz Patrick. Ah, au secours! Au secours! La machine se rebelle, mais on est toujours présent. Et Patrick de Palma Rosa. Vaticool, de retour, épisode 17, en compagnie d'Élise Cravette. Et on n'a pas du tout de problème technique, c'est une blague. Comment ça va, Élise? Ça va très bien. Est-ce que tu passes un bon moment? Je passe un excellent moment. T'as l'air vraiment convaincu quand je te pose cette question et ça, ça fait plaisir. Et toi, Charles, comment ça se passe? Je passe un moment assez merveilleux. Alors, ça tombe bien, Charles, puisque, étant donné que Vaticool est une émission à séquence et que tu voulais absolument nous faire une petite chronique, et bah, justement, je suis donc avec Charles, jeune homme chroniqueur plein de ressources, qui va, après le jingle que je suis en train de préparer maintenant, nous faire sa petite chronique. Exactement. Attention, jingle chronique. Nous abordons la partie de jogging. Et du coup, c'est à toi de me dire, je crois que tu voulais me faire un sujet sur le Bitcoin, c'est ça? Exactement, mais ça c'était pour... Alors le Bitcoin du coup, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et surtout est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec? Alors le Bitcoin, il faut savoir que c'est une musique qui nous vient de La Réunion, un style tout particulier, un peu dérivé du Maloya. Et où est-ce qu'on peut acheter des disques de Bitcoin ces temps-ci à Paris? C'est quoi le meilleur disquaire de Bitcoin? Alors, il y en a un meilleur, mais je ne vais pas le révéler parce que ça, c'est... C'est le disquaire secret, bien sûr. On garde secret, toujours les petits coins à champignons. Je vais vous donner le deuxième meilleur. Il s'agit d'une boutique qui est située en plein Pigalle. Plein Pigalle. Exactement, rue incroyable. Des Martyrs. Rue des Martyrs. Martyrs. Exactement. Mais je connais bien la rue des Martyrs. Et au 25 de la rue des Martyrs. Au 25 de la rue des Martyrs, vous pouvez trouver des disques de Bitcoin. Vous voyez, alors, au niveau des sonorités, ça se rapproche de quoi le Bitcoin? Est-ce que c'est plutôt fusion? Est-ce que c'est quoi le Bitcoin? Alors, il faut savoir que c'est un peu un melting pot le Bitcoin. Oui. On trouve donc du coup pas mal de musique de l'océan Indien, donc comme je disais tout à l'heure du Maloya. Mais également des musiques plutôt des Antilles, donc ça peut ressembler un peu à du begin, à du zouk, mais avec vraiment des percussions très acoustiques. Donc c'est là que ça diverge. Ah, et dis-moi, peut-être, est-ce que tu as quelques artistes en vogue de Bitcoin à nous recommander? Exactement, alors le premier artiste que j'écoutais encore tout à l'heure en venant dans le métro, il s'agit de Patrick von Dashbons, qui est un artiste qui est originaire d'Allemagne, mais qui habite à La Réunion depuis 15 ans maintenant. Mmh. Donc il a eu le temps en 15 ans de s'imprégner de l'univers et de l'univers du Bitcoin et de toute la spécificité de ce genre extraordinaire. Et ensuite, je citerai aussi Jaikel Maxon. Jaikel Maxon? Jaikel Maxon. Très grand artiste de Bitcoin, assez reconnu. Je crois que j'en ai entendu parler un peu. Bah, il est assez commercial en fait comme artiste. Il est assez commercial, c'est du Bitcoin ça. Ouais, c'est du Bitcoin même si c'est commercial. Jaikel Maxon donc. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller chez votre meilleur disquaire de Bitcoin afin de trouver le 25 de bon Bitcoin. Rue des Martyrs. 25 rue des Martyrs, 75018 Paris. Voilà. Incroyable. Tu vois, je savais pas que... Alors, pourtant, je connais bien Pigalle, mais je savais pas qu'il y avait un disquaire comme ça qui pouvait nous trouver de telles pépites. Alors, ça fait plaisir. Exactement, mais après, il faut savoir que le Bitcoin reste un monde assez underground. Hein. Comparé à la techno, c'est de l'underground. Ah, ça, c'est sûr, la techno devient mainstream. Par contre, le Bitcoin, ça, on connaît pas bien. Élise, tu passes un peu de Bitcoin dans tes DJ sets? Bien sûr. Ah, évidemment. Ça s'enchaîne bien avec quoi le Bitcoin? Plutôt immixable. C'est immixable. Immixable. Genre si tu décides de jouer du Bitcoin, t'es obligé de jouer que du Bitcoin. Non, tu fais un fade in fade out. Okay. Ça fait son charme. Ça fait son charme. Ah. Merci pour ta chronique. Je t'en prie. Le public peut-être quelques applaudissements. Incroyable, je crois que tu as passé le crash test de Vaticool, à savoir la petite chronique. Le public est plutôt conquis. Là, je veux dire, Ah si, monsieur là-bas, monsieur n'est pas content. Oui, bonjour, je pense en effet que vous dites des conneries, parce que Jaikel Maxon est vraiment un grand artiste. Et je crois vraiment qu'il faudrait que vous revoyiez votre copie, monsieur. Ok, excellent, vous aurez un droit de réponse dans l'émission suivante. Comment ça va, Élise? Ça va très bien. Je suis très contente qu'on ait pu parler du Bitcoin parce que je pense qu'on lui fait pas, on lui rend pas assez justice au quotidien. Et c'est bien dommage alors que c'est quand même une très belle musique. Alors, après cette chronique, je te propose qu'on écoute un autre morceau encore parce que aujourd'hui, c'est vraiment l'émission musicale. Super. Ça parle peu, mais c'est efficace à chaque fois. Tu ne m'as pas mis de morceau de bitcoin dedans et c'est dommage, mais par contre j'ai 1-800 suicide Grave Diggers. Exact. Tu veux écouter ça? C'est parfait. Et bah en avant pour 1-800 suicide. Wanna die, commit suicide, dial 1-800-CYANIDE line. Far as life, yo, it ain't worth it. Put a rope around your neck and jerk it. The trick didn't work. Your life was fucked up from the first day of birth. After watching Jackie Gleason walk into a precinct, gun down a captain for no fucking reason. And get some LSD or a drink from the bar. Get behind your wheel and crash the car. Like Desert Storm, got bombs for the war. Confront an alligator, let it eat you raw. Back to the function, riding the caboose to hell. Gizzy touched the third rail. You fucked up, chicken. Now you just got fried. Cause it's a suicide. Pretty fast. You don't stop and look around every once in a while. You miss it. Six fucking devils stuffed up playing brave guard. Had the fucking nerve to try to enter my graveyard. I'm the resurrector. Be my sacrifice. Commit suicide and I bring you back to life. The first was convinced. Stuck a water hose in his mouth. Fat full blast so his head can explode. Second one said, that's good but I could top it. Put an axe up to his head and then he chopped it. Bloodshot out. In every direction, the rats didn't know what to do. I made suggestions. Put a slug in your mug, overdose on a drug. Wet your hands, stick a knife in the plug. Or play like Richard Pryor, set your balls on fire. Better yet, go hang yourself with a barbed wire. Three and four fell deep into the spell land. Ran to the zoo, locked themselves in the lion's den. Number five said it ain't worth being alive. Smoked a dust swing, mixed it with cyanide. The only one who escaped was number six. He went home, sat in the tub and slit his wrist. Yeah, more graves today. Goodbye, there's no need to cry. Cause we all die. Vaticool épisode 17 en compagnie des Scravettes, et étant donné que Vaticool est une émission avec des séquences, tout de suite la séquence d'Enzo Bodo. Attention, jingle Enzo Bodo. sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers, le flash spécial d'Enzo Bodo. Alors, je suis actuellement en ligne avec Enzo Bodo. Enzo, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Roger. Excellent, bonjour Enzo. Alors, comment ça se passe sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers aujourd'hui ? Eh bien écoutez, ça se passe plutôt pas mal, hein, malgré une météo morne et un trafic bouché, les impôts de nos concitoyens servent à quelque chose, puisque c'est une double expulsion qu'on vit aujourd'hui sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers, à la fois des Roms installés non loin de l'Oxfam et du camp de réfugiés du millénaire. Donc les CRS sont là, ils ont refusé de répondre à mes questions pour des règles de confidentialité dont on ne se doute bien. Et ça y est, c'est un air de ZAD hein, qui renaît sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers. Les enfants jouent, ils renversent du coca, les mères allaitent les plus jeunes. Incroyable. Et les pères brûlent du câble. Oui, c'est incroyable, ils incroyable, leur matelas. Au niveau du trafic et de la météo, comment ça se passe ? Ah bah c'est moins bien, hein. Là pour le coup c'est tout de suite plus déprimant puisque le trafic est bouché et la météo est ma foi très grise. C'est vrai qu'on était sous un soleil de plomb et là d'un coup je vois que ça s'assombrit, Enzo. Ah bah oui, c'est ça, hein, comme par hasard, hein. Dès que les migrants n'ont plus de toit, c'est la météo qui se gâte. Et c'est bien dommage. On pourrait appeler ça la loi des séries. Merci Enzo, on te retrouve dans le prochain épisode de Vaticool pour un nouvel point du rond-point de la porte d'Aubervilliers. Tu veux encore ton jingle ? Oui. Allez, encore un allez, jingle Enzo Merci Bodo. Merci Roger, vous êtes formidable. Au revoir. Sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers, le flash spécial d'Enzo Bodo. Oui, je ne sais pas si tu es une fidèle de l'émission, Élise, mais effectivement, on a cette petite séquence qui nous donne l'actualité en bas de chez nous. Parce que c'est ça qu'on aime. Attention, tapis, au secours. Au secours ! Putain, mais ça, bon, là, ça y est, c'est la débandade. Le système ne marche plus. Ah voilà, très bien. Non, il ne veut pas jouer ça. Ah. Pendant ce temps, Charles va raconter une blague. Alors, c'est l'histoire d'un noir, d'un juif. Merci, d'un... Charles. Le système remarche. Merci, Charles. Merveilleux. Tu es un excellent assistant aujourd'hui. Le système se casse la gueule. C'est merveilleux. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la vie ? Un système entier qui se casse la gueule en permanence. Être heureux. Oui, c'est la théorie de Marx. Vaticool est une émission de droite, mais on accorde. Un point pour Élise. Le score est donc actuellement de 1 à 0. À 0. Parce qu'on n'a pas trop compté les points jusque-là. Élise Cravette, Élise Cravette. Ah putain, mais pourquoi est-ce que j'ai plus mes fiches ? Au secours ! Donc ta construction musicale a été essentiellement... Donc après, t'écoutes du punk aussi, tu m'as dit. C'était du hip-hop, ça. Enfin, d'accord. On parle du morceau que... Ouais, parlons du morceau, il était bien. Ok, alors ce morceau, je l'ai choisi parce que j'ai rarement l'occasion de passer du rap dans mes sets. Pourtant, c'est un... Pourtant, c'est pas si éloigné tu vois, enfin en soi disco rap, tu vois, genre tu peux faire des transitions qui sont pas trop dégueulasses. Non, mais en fait c'est plus une question de, je pense, de circonstances, parce que moi ce que je préfère quand même c'est la radio. Ouais. On en a pas parlé, mais ce que je préfère c'est la radio, c'est les émissions à la radio. J'ai eu de la chance de pouvoir faire des petites émissions. On t'a déjà vu dans quoi? Alors pendant un an j'avais une mensuelle sur Radio VNL qui était une petite web radio où je faisais, j'avais une émission qui s'appelait Thème à Thème où je faisais des émissions musicales par thème, donc ce principe me plaisait parce que du coup c'était assez transversal. Mm-hmm. On avait comme thème la pluie, le ride, plein de trucs, et ça me permettait comme ça de pouvoir un peu plus montrer mon éclectisme musical justement. D'accord. Donc sur Radio VNL, et quoi d'autre? C'est la seule émission que tu as animée ou tu en as animé d'autres ou tu... J'en ai animé d'autres, j'ai joué ponctuellement au Mélotron et je suis très heureuse d'annoncer pour la première fois on air que j'obtiens une mensuelle sur le Mélotron avec mon cher Charles à côté de moi. Et on va pouvoir... voilà un bel effet d'annonce, bravo. va reprendre un deux à deux le principe un peu de thème à thème, parce que c'était quelque chose qui nous a toujours plu à nous deux. Mm-hmm. Voilà, prendre des thèmes un peu poétiques. Est-ce qu'on peut peut-être annoncer le nom de l'émission encore ou pas encore? C'est encore en réflexion. C'est encore en cours de construction, on peut pas vraiment divulguer l'info? Bah c'est confidentiel, le nom est choisi, tout est prêt. Mais il faut pas le révéler. Il faut pas le révéler tout de suite. C'est vrai, j'aurais voulu pouvoir passer un jingle en exclusivité dans Vaticool, mais malheureusement, je ne peux pas, je n'ai pas les droits. Et c'était beaucoup trop d'argent que je n'ai plus, du coup, étant donné que le sponsor nous a quittés. Tristesse. Si vous voulez sponsoriser cette émission, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à vaticoolradio@gmail.com, vaticoolradio@gmail.com, si vous voulez perdre votre argent dans cette émission. Disco, aspiration, passion, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je ne sais pas, c'est en cours, je réfléchis. C'est difficile, c'est très difficile. Pendant un moment, j'ai vraiment voulu travailler dans la supervision musicale, c'est-à-dire travailler sur la musique à l'image, parce que c'est un rapport qui me passionne depuis ma tendre enfance, depuis que j'ai regardé Fantasia et Fantasia 2000. Et malheureusement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction, parce que c'est beaucoup plus business que ce que je pensais. Voilà, je suis un peu naïve. Donc je sais pas. Voilà. Mais enfin, tu sais bien que les entreprises capitalistes sont là pour gagner de l'argent. Oui, mais j'ai mis du temps à le saisir complètement. Est-ce que c'est mal de vouloir gagner de l'argent? Est-ce qu'elle est pas belle, la plage que j'ai avec le périphérique submergé et la cathédrale autour de cette station radio? Je pense que c'est pas mal de vouloir gagner de l'argent. Je pense juste que c'est dommage de vouloir faire que ça. Voilà. C'est vrai. N'oubliez pas qu'avec l'argent que vous dépensez, vous pouvez acheter des cathédrales. Et ça, c'est bien. Tu veux écouter quoi? Je te propose qu'on écoute Sahara Band, Habibi. Donc, il y a un morceau très rigolo, très kitsch. Et voilà, je propose qu'on l'écoute et après, j'en parlerai un petit peu. Faisant comme ça, alors, Sahara Band, Habibi, au secours! Je suis désolé, mais à cause de l'humidité dans le studio, le système par lequel est diffusée la musique se trouve parfois un peu embêté, et pour cause... Putain, mais c'est pas possible. Pendant ce temps, Charles va raconter une autre blague. C'est l'histoire d'un petit garçon qui tous les matins va à l'école et puis un jour il rencontre une petite fille et il lui demande comment ça va. Elle lui dit ça va bien. Le lendemain, le petit garçon reprend le même trajet espérant croiser la petite fille. Il lui demande comment ça va. Elle lui dit ça va bien. Et le surlendemain... Wow. Il reprend le même trajet, et au moment où il va croiser la petite fille, il se dit, aujourd'hui... Alors, je suis désolé, mais en fait, Sahara Band ne veut absolument pas se lancer, donc je te propose qu'on écoute autre chose. J'ai Pilotalk, j'ai toujours... Écoutons Pilotalk. Écoutons Pilotalk. J'en parlerai après. Et on en parlera après... Pilotalk de Virna Lindt. De Virna Lindt, c'est parti. With the sand and the sea in between you and me, 'tis on my pillow, but my secrets are safe. My resistance is fading. Et en cet instant précis, Juju PME vient de reprendre la régie de cette émission. Anymore. The love. Vaticool. Et Vaticool de retour dans cet épisode, ma foi, légèrement tourmenté, en compagnie de la très sexy Elise Kravets et du joyeux Charles. Tu voulais nous en parler de ce morceau, Pillow Talk ? Oui, j'ai très envie de vous en parler, parce que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Virna Lindt, qui est suédoise. Donc ce morceau Pillow Talk, qui signifie discussion d'oreiller en français. Ça par exemple. On en parlera après, mais pour l'instant je veux juste vous présenter un peu le contexte. Ce morceau est sorti en 1983 sur son album, unique album. Elle a sorti qu'un seul album qui s'appelle Fever, sur Compact Organisation. Donc Virna Lindt, c'est une suédoise, journaliste, chanteuse, qui a fait un album très particulier entre Cold Wave et Synth Pop, et qui a comme thème de fond l'espionnage. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet album parce qu'il est rempli de bizarreries et de morceaux très, très beaux. Et j'aime bien cette chanson parce que y a pas mal d'autres chansons qui s'appellent Pillow Talk, qui ont été faites à peu près dans les mêmes années, mais généralement c'est plus de l'italo disco. Et là donc c'est de la cold wave, et pour moi c'est de la disco froide, quoi. Oui. C'est de la disco des pays froids. Et voilà, discussion d'oreiller, c'est la discussion d'oreiller, c'est les discussions qu'on a généralement après avoir fait l'amour. Et donc elle vient d'aller nous explique qu'elle ne croit plus à ces discussions. Voilà, elle dit I don't believe in pillow talk anymore. Et j'aime beaucoup cette chanson. Comment est-ce que... Alors par contre, si tu veux dire des choses, tu les dis dans le micro, même les blagues. Comment est-ce que tu l'as découvert ? Alors là, j'en ai aucune idée. Je t'avoue, je n'en suis un peu. Je ne sais vraiment plus. Tu l'as creusé, tu l'as trouvé, et d'un coup, paf. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors là, la table bouge, mais c'est uniquement parce que j'essaie de faire marcher le système. Putain, c'est horrible. Allô ? Allô ? Pardon. Bref, oui. Tu fais de la musique aussi ou tu en joues seulement ? Tu joues seulement des disques, je veux dire, ou tu fais de la musique aussi ? Pratiques-tu un instrument quelconque ? Avant, j'ai fait de la guitare, j'ai fait pas mal d'années de solfège, mais j'étais assez nulle, donc j'ai abandonné. Enfin, tu sais très bien que la guitare est un instrument qui ne nécessite aucun solfège. C'est pour ça que beaucoup de guitaristes mauvais existent. C'est possible, mais en tout cas, je pense que la pratique d'un instrument tel quel n'est pas faite pour moi, malheureusement. Mais j'essaye de... T'as jamais joué en groupe ? T'es jamais... Non, mais... Comme ça, une espèce de petite... hop. Je suis pas assez persévérante pour un instrument. Du coup, j'essaye de tricher, j'essaye d'apprendre à faire de la musique électronique. Mais c'est dur, parce que je déteste Ableton. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer aux développeurs d'Ableton ? Faites un logiciel pour les enfants, s'il vous plaît. Oh, c'est pas mal, c'est coloré, c'est plutôt coloré Ableton dans mon souvenir. C'est pas parce qu'il y a des couleurs que c'est facile. C'est vrai. À dire, je n'utilise pas moi-même Ableton, donc je peux pas trop te dire. Mais sans doute. On pourrait demander à Puju si jamais il était dans le coin, mais on l'a perdu, mais il a été avantageusement remplacé par Juju PMU. Il nous fait des coucous. Ah non, là c'est un doigt, incroyable. terrible émission, terrible. On va écouter un autre morceau et puis après je propose qu'on appelle Raph Larage qui nous fera sa petite chronique. Apparemment chez le garagiste, mais rien n'est sûr. Comment ça se prononce ? Alors c'est du yougoslave, donc je sais pas si je vais réussir à le prononcer correctement. Alors attention, la minute yougoslave. Senka Veletanlik et Toye Ochi, qui veut dire tes yeux. C'est un morceau yougoslave des années 60. Tes yeux, un morceau yougoslave des années 60. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Et c'est parti. Zvezda, gde spavaju noći, toliko topline, toliko sna, imaju tvoje oči. Koliko dugi su sati dok čekam i strepim da ćeš doći, toliko nežnosti, toliko sna imaju tvoje oči. I kažeš mi da te ostavim sama, kažeš mi i ti, ljubav će proći, ti kažeš mi zbogom. Eh, mesdames et messieurs, incroyable, en ce moment même, Puzu Puzu est arrivé dans la régie, on applaudit Puzu. Koliko je sunca u tvojoj duši, o čudesne moći, toliko ljubavi i toliko sna imaju tvoje oči. Kažeš mi idi, ljubav će proći, ti kažeš mi s Bogom, a znaš da nikad ne mogu da zaboravim tvoje oči. Koliko je sunca u tvojoj duši, o čudesne moći, toliko ljubavi i toliko sna. Imaju tvoje oči, imaju tvoje oči, oh, oh, oh, tvoje oči, imaju tvoje oči. Toliko ljubavi, toliko sna, imaju tvoje oči. Cool. C'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. Et Vaticool de retour, épisode 17 en compagnie d'Élise Cravette. Et du coup, cette séquence est accompagnée également d'une petite chronique par... Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Et l'histoire des 300 000 euros. Mais du coup, apparemment non. Mais c'est pas grave, puisque Charles avait une deuxième petite chronique, je crois. Exactement. Ah. De quoi tu comptes nous parler maintenant, mon cher Charles ? C'est marqué sur ta fiche. Et oui, effectivement, c'est marqué sur ma fiche. Alors, un instant, je retrouve mes petites fiches. Et je crois que tu voulais nous parler d'aspiration. C'est une chronique sur les aspirateurs, c'est ça ? Exactement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de l'aspirateur... Excusez-moi, on entend très mal le jeune Charles. Si la régie pouvait faire quelque chose pour... vas-y, parle. Ah, bon, on m'entend pas... Le son est faible, je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Vas-y. Ah, là, on m'entend ? Ah, là, on t'entend mieux, oui, en effet. Allez Charles, donc nous t'écoutons. Donc le marché de l'aspirateur avait une véritable révolution parce qu'on a découvert il y a 2 semaines que Facebook allait lancer des aspirateurs à données. Donc incroyable. On est parti sur... Alors, est-ce que c'est de l'aspirateur connecté ? Est-ce que je peux nettoyer ma maison avec cet aspirateur ? Oui, tout à fait. Alors dans ta maison, tu vas pouvoir nettoyer tout ce qui concerne la mauvaise musique. Toute la mauvaise musique sera nettoyée grâce à cet aspirateur. C'est une émission plutôt musicale. Hein. C'est vrai qu'on est dans une émission plutôt musicale, mon cher Charles. Mais continue, développez cette chronique. Et donc, par exemple, lorsque Mark Zuckerberg a développé ce projet et lorsqu'il a présenté en public, c'était il y a une semaine et demie, le 24 décembre 1993, à San Francisco, ce projet d'aspirateur, il a commencé par un exemple. Une mise en situation. Alors, petite mise en situation. Excuse-moi, je te propose qu'on entre... Au secours ! Excusez-moi, c'est vraiment l'émission du Au secours aujourd'hui, mais il fait tellement humide que c'est affreux. Excusez-moi. Hein. Putain, mais non, mais je m'en fous de ça. Ah, excuse-moi, donc je te propose qu'on se mette en situation et qu'on entre du coup dans un café. Exactement. Très bonne idée. Attention. Mettons-nous en situation. Le café, s'il vous plaît. Un chocolat chaud, une pinte. Donc nous sommes dans un café. Là, il n'y a pas beaucoup de musique, mais si jamais, je sais pas, quelqu'un tente de passer à... Qu'est-ce qui est mauvais ? Qu'est-ce qui est mauvais en musique ces temps-ci ? Élise, est-ce que tu connais de la musique mauvaise ? Voilà. On est... Je ne l'ai pas sur moi parce que je ne connais pas, mais du coup, dans ce café, on compte passer Despacito et cet aspirateur est présent. Alors, ça va fonctionner en trois étapes. Oui. Première étape, le branchement de l'aspirateur au réseau, donc sur le secteur. Oui. Réseau électrique, donc un réseau électrique tout à fait classique. Classique. En France, ce serait par exemple EDF qui fournirait ce genre d'électricité, c'est ça ? Exactement. EDF, qu'on remercie d'ailleurs. Qu'on remercie, oui, effectivement, de nous alimenter en électricité dans ce studio. Voilà. Si vous voulez sponsoriser l'émission un peu plus, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Mais pardon. Ou un peu de jus. Ou un peu de jus, ouais. Bah non, c'est du jus, les gars. Allez. Et donc, la deuxième étape consiste à allumer donc grâce à un interrupteur assez intuitif, hein, il faut le noter parce que c'est pas toujours le cas. S'agit-il plutôt d'un bouton poussoir ou d'un switch ou quel genre d'interrupteur ? Alors, c'est très innovant puisqu'il s'agit d'un mélange entre un poussoir et un switch, c'est-à-dire qu'on va appuyer... Un pouce-switch ? Un pouce-switch, incroyable. Donc, il faut appuyer sur le push-switch et en même temps du coup le switcher, appuyer et pousser. Mmh. Et d'un coup, on va avoir une sorte de phénomène surnaturel, mais tout à fait... Attends, non, surnaturel, excuse-moi. Surnaturel... Il va y avoir un éclair. Oui. Bah, EDF, moins de jus, s'il vous plaît. Juste un peu moins. Et donc, d'un coup... La musique va être aspirée et en fait va être matérialisée. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit la matérialisation de la musique. Enfin, excusez-moi, mais je crois que ça marche. Hein. L'ambiance a vraiment changé d'un coup, non ? Là, bon, à la place, c'est la musique de merde. Une bonne musique qui va se lancer. Une flûte traversière, des vagues. Super apaisant. Ce device est disponible à partir de quand ? Alors, il sera en magasin dans environ 3 mois. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment efficace, bah, comme vous l'avez pu le constater. Ah, c'est incroyable, il a appuyé sur le push switch. Ouais. Et d'un coup d'un seul, on a vu un éclair se matérialiser. En fait, c'est peut-être pas EDF l'éclair finalement, c'était l'aspirateur en fait. Tout à fait. Mais du coup, c'est pas ennuyeux en cas de beau temps, par exemple, d'activer ce système ou c'est juste un effet spécial histoire de rendre le device un peu plus sexy ? C'est un effet spécial, mais il faut savoir qu'après, il y a un bel arc-en-ciel qui alimente le ciel, qui alimente la couleur du ciel. Et ça, c'est assez exceptionnel. Vous allez le voir, je vais appuyer sur le bouton. Regardez, là, sur le push switch. Incroyable ! Alors là, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas au niveau du rond-point de la porte d'Aubervilliers, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est un double arc-en-ciel qui est en train de se former dans le ciel. Oh, Élise dit quelque chose, je sais pas, c'est incroyable, non enfin... Je reste sans voix. Élise reste complètement sans voix, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Les plantes se mettent à s'animer. Les plantes mortes du studio Station qu'on a mis dehors parce qu'on ne voulait rien de vivant dans ce studio commencent à s'agiter. Elles renaissent. Mais attends, si on arrête l'aspirateur, qu'est-ce qui se passe ? Ça revient. Vas-y. Je remets. Incroyable ! C'est la première fois qu'on voit ça ici dans le prestigieux studio Crackroom de Station, la station de la station. Par contre, c'est que la même musique ou ça peut changer ? Ah non, ça change. Attends. Attends. Attends, je vais l'éteindre. Attends. Voilà. Ouais. Là, attends. Imaginons qu'il y a, un Black M qui passe ou Vianney featuring. Comment il s'appelle là ? Maître Gims. Maître Gims, exactement. Un Vianney Maître Gims et. Ouais. Imaginons que ça passe. Attends. Attention. Hein. Un instant. Et puis, il faut savoir qu'il faut se préparer pour visualiser le concept. Bah, surtout qu'en fait, ouais, c'est. Enfin, je te vois triturer des câbles et tout, c'est quand même. Enfin, c'est pas accessible comme un immortel, j'ai l'impression, ce genre d'invention. Mais, Là, j'ai la version bêta, j'ai un prototype. Ouais, effectivement, oui, ça se voit que c'est pas encore le design final. Il se trouve que je suis le cousin de Zuckerberg. Ça, par exemple. Donc, il m'a envoyé un. Tu m'en diras tant, mon vieux. Avant-hier, un Colissimo avec le prototype pour que je fasse la promo, pour que je commence en France. Mais attends, parce que. Parce qu'il faut savoir que la France, on. Attends, là, je vois que ton câblage est à peu près terminé. Attends, merde. Incroyable. Alors là, l'aspirateur commence à se mettre en place et à la place de Maître Gims. Attention, vas-y, actionne le système. Ah non, il faut que je l'actionne une fois qu'il y a la musique. Vas-y, imaginons qu'il. Ouais, vas-y, Maître Gims se lance là. Et là. Putain, c'est bien ça. Et ça marche dans vraiment toutes les situations. Toutes les situations. Garantie 3 ans. Et ça s'appelle comment ce produit ? Ça s'appelle le Rabonateur. Bravo ! Le public est estomaqué aussi. Élise, je sais pas ce que t'en as pensé, c'était assez fou. Comme séquence. Je t'avoue que je n'étais pas préparé à ça. Quand je promettais des rebondissements inédits dans cette émission, je pense que je ne vous ai pas menti. On va revenir un peu sur toi, Élise. Puisque toi aussi, tu as une petite chronique à nous faire, je crois. Ah bon ? Oui. Moi, je suis désolée, je suis un peu inquiète de l'aspirateur. Parce que j'ai peur que ça nous vole nos boulots au DJ. C'est un petit peu problématique. Alors, je pense qu'il y aura une législation qui sera faite sur ce genre d'appareil. Emmanuel Macron vous attend de pied ferme. On attend Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est d'ailleurs invité à se rendre dans ce studio quand il veut. Mais un mercredi sur deux, parce que je vais quand même pas déplacer mes horaires d'émission. On va pas déconner non plus. Bisous Manu. Fais un bisou à Manu. Incroyable. Oui, je crois que tu voulais nous parler de la politique française ces temps-ci, Élise. La politique française. Qu'est-ce que je peux dire sur la politique française ? Notamment sur la législation concernant les ortolans. Je crois que tu avais un problème avec celle-là. Tout à fait. Tu m'en as parlé hors ligne et je pense que ce serait pas mal d'enfin dénoncer dans cette émission un peu qui est quand même très consensuelle jusque-là. Je suis enragée parce que pour ceux qui connaissent un peu le droit administratif, il y avait déjà eu un arrêt qui s'appelait l'arrêt Adarc sur les cormorans cette fois. C'était sur le grand cormoran. Ah merde. Mais je pense que le problème se rejoint. Le problème se rejoint parce que il y avait des problèmes du coup. Dans l'aquaculture parce qu'il y avait une prolifération trop grande des cormorans. Merde. Donc du coup, les aquaculteurs ont demandé au gouvernement s'ils pouvaient un peu tuer cette espèce. Mais le problème, c'est que c'était une espèce protégée. Et on leur a accordé de les tuer parce que c'était un préjudice grave et spécial. Et moi, je suis pas d'accord. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise pour les ortolans. Voilà. Conclusion, protégez vos ortolans. Protégez vos ortolans. Et vos grands cormorans. Et vos grands cormorans, effectivement, parce que, merde. Pour tous ceux qui ont un cormoran de compagnie, sachez qu'il y a des croquettes spécialisées, qu'il ne faut pas leur donner n'importe quoi à manger. Merci pour ce rappel qui, il est vrai, est essentiel. Je te propose qu'on écoute notre morceau après avoir bien dénoncé. Oui. Alors, il en reste un. du coup dans ta petite liste. Oui. C'est Leo's Sonship, I'm Back for More. Oui. Tu nous en parles après, tu nous en parles avant, tu nous en parles quand? On peut en parler après, parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, parlons-en après. Leo's Sonship, I'm Back for More. There's no Sabbatical, épisode 17 en compagnie de Élise Cravette et Charles. Ce morceau, c'était quoi ? Leo Sunship, I'm Back for More. C'est ton côté soul ? C'est mon côté soul et c'est. Attends, ferme la fenêtre s'il te plaît parce qu'en fait on a vraiment les bruits des voitures. Quoi. Ah, la fenêtre est une technologie compliquée. Et voilà, assez dans le silence. C'est un morceau qui est issu d'un album que j'aime énormément, que j'écoute en boucle en ce moment. Et j'ai la chance de le posséder en vinyle, en physique. Il date de quand cet album ? Il date de 1978. Oui. Et il a été pressé qu'une fois. Donc c'est difficile de le trouver. Ah oui, jamais de réédition sur ce truc-là, sérieux ? Non, jamais de réédition. Incroyable. Je pense que c'est pour le coup, s'il y a des labels de réédition qui nous écoutent, ça vaut le coup. Hein. Ça, pour le coup, ouais, c'est le genre de truc à rééditer parce que c'est bien. C'est très bien. Ils ont sorti beaucoup de trucs. Ils ont sorti qu'un seul truc. Et justement, je voulais en parler parce que l'histoire du groupe est assez marrante. Alors la pochette déjà est très très belle. C'est une pochette bleu foncé avec une sorte de navire qui est dans une fleur. Et sur chaque pétale, il y a tous les signes astrologiques. Ouais. Parce que le groupe s'appelle Leo's Sunship. Mmh. Léo en anglais, c'est lion. Et il se trouve que les trois membres du groupe étaient tous les trois lions. Et donc, années 70 oblige, ils ont nommé leur groupe comme ça. Ésotérisme. Voilà. Et c'est un morceau... l'album... Ils ont commencé à l'enregistrer, ils ont fait que 4 tracks et le chanteur est mort. Merde. En plein milieu de l'enregistrement. Du coup, ça n'a fait qu'un single. Du coup, il y avait 4 titres et ce qui s'est passé, c'est que les deux autres membres du groupe ont abandonné. Il y en a un qui s'est tourné vers carrément autre chose et l'autre qui allait dans un autre groupe. Et le label a quand même décidé de sortir l'album. Et donc, du coup, l'album, il a les quatre tracks et 4 versions instrumentales de ces 4 tracks. Donc, c'est un tout petit album. C'est sorti chez qui, ça ? J'ai totalement oublié le nom du label. Un tout petit label, Lions Record, un label américain qui n'a pas sorti grand-chose. Et je voulais en parler parce que j'ai fait écouter quelques chansons de cet album à Charles, qui est à côté, et qui m'a très justement dit que ça ressemblait à du Marvin Gaye. Du Marvin Gaye époque Hear My Dear. Et en fait, il se trouve qu'en faisant un peu de recherche... il y a 2 des membres du groupe qui ont été backup singer pour Marvin Gaye. Donc tout s'explique. Et tout s'explique, tout se rejoint. Voilà. Un peu comme les choristes de Exile on Main Street qu'on retrouve sur le premier Dr. John. Et qui est merveilleux, je t'invite à l'écouter. Mais malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Et comme à chaque fin d'émission, il y a des annonces. Ça t'a plu, Élise ? Ça m'a beaucoup plu. Tu reviendras ? Avec plaisir, grand plaisir. Cool. Et joyeux Déborah Golfier, parce que des annonces. Au passage, bisous à Clément qui nous écoute de l'arrière de son bar et qui doit beaucoup aimer. Cette semaine, Vatical cherche toujours un sponsor. N'hésitez pas à venir dépenser votre argent pour la cause. Pour plus d'informations, vaticoolradio@gmail.com. Ce soir, je mixe à la mécanique ondulatoire pour la Roger de l'Ibabdicool, numéro 35, noté XXXV. J'ai annoncé Punk, Bossa Nova, Sirtaki et House PD, on verra bien ce que ça donne. 21h, 2h du matin, au 8 passage tiré, 75-011, métro Paris-Bastille. Dans 2 semaines, je recevrai la délicate Anne-Cécile Kowalewski qui lance son exposition le 19 juin à Barbiche la Réplique. Elle s'appelle Gangband of Pigalle. Et on avait déjà évoqué cet artiste graphique lors de l'épisode, en compagnie de Clément Léon, je crois que c'était le 6. L'exposition s'appelle donc Gangband of Pigalle et il paraît que j'apparais dedans. C'est du dessin, allez la voir et on la recevra au lendemain de son vernissage. Élise Cravette, où peut-on te retrouver ? On peut me retrouver du coup à Lyon ce vendredi, le dimanche 17 juin au Bar Galia et puis bientôt tous les mois au Mélotron avec mon acolyte Charles. Des réseaux sociaux, un moyen de te joindre pour t'inviter dans d'autres émissions. Vous pouvez m'ajouter sur Un profil public. Je n'ai pas de un page. Instagram public. J'ai un Instagram public. Un Twitter. Je n'ai pas Twitter. On n'a pas Twitter, on a un Instagram qui est @LISOUK, Lizouk. At Lizouk, bien sûr. Charles, où peut-on te retrouver, toi ? Moi, on peut me retrouver dimanche à un événement organisé par le collectif Crush On qui vend des vêtements backstage et je passerai de la musique. Donc, pas mal de bitcoin. Beaucoup de bitcoin pour cette session de Vaticool. Sinon, sur Facebook, soit en m'ajoutant directement sur mon profil Charles Noël, soit sur ma page Loubagou, L-O-U-B-A-K-E-U. L-O-U-B-A. Comment tu décris Bakeu? B-A-C-E-U. B-A-C-E-U. Bakeu. C'était l'épisode 17 de Vaticool. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook à Roger de Lille Vaticool, Twitter à Roger de Lille, Instagram à Roger de Lille, et sur la page du Pape du Cool également. Je suis Roger de Lille, le Pape du Cool. L'émission s'appelle Vaticool. As-tu déjà connu l'amour ?